Tout m'ennuie aujourd'hui. J'écarte mon rideau. En haut, ciel gris, rayé d'une éternelle pluie. En bas, la rue, dans une brume de suie. Des ombres vont, glissant parmi les flaques d'eau. Je regarde sans voir, fouillant mon vieux cerveau. Et machinalement, sur la vitre ternie, je fais du bout du doigt de la calligraphie. Bah, sortons, je verrai peut-être du nouveau. Pas de livre paru, pas sans bête, personne. Des fiacres, de la boue, et la verse toujours. Puis le soir, et le gaz, et je rentre à pas lourd. Je mange, et baille, et lis. Rien ne me passionne. Bah, couchons-nous, minuit. Une heure, enfin, chacun dort. Seul, je ne puis dormir. Et je m'ennuie encore.